du jury. Voilà pour nos deux heures de dialogue. Laissez vos commentaires sur la page Facebook. À lundi tout le monde. Vous êtes à côté Vivacité, il est 11h. Les infos tout de suite avec Justine Hermans. Bonjour Justine. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Un bon millier de personnes au départ de la manifestation à Charleroi. Elle a commencé il y a une heure environ pour soutenir les travailleurs de Caterpillar Gosselies. Dans le cortège notamment des travailleurs des sous-traitants de Caterpillar, d'autres entreprises et aussi des Français de l'usine Caterpillar Grenoble. Certains politiques seront présents également. Des discours sont attendus dans le haut de la ville de Charleroi en fin de matinée. Les syndicats attendent au total entre 5000 et 10 000 personnes. Et cette manifestation, elle a des conséquences sur la circulation des bus, surtout le réseau TEC est perturbé, des chauffeurs participent à la manifestation. Pas de changement en ce qui concerne la clé de répartition des numéros Inami au sud et au nord du pays. Maggie De Bloch, la ministre de la Santé, l'a confirmé. Alors, les numéros Inami, ce sont ces sésames indispensables aux médecins. Ils leur permettent d'exercer leur profession à la fin de leurs études. Et la clé de répartition, c'est la proportion de numéros Inami pour les médecins flamands et les médecins francophones. Aujourd'hui, c'est 60% pour les flamands et 40% pour les francophones. Et ça ne changera pas. Cette décision, les partis francophones la dénoncent. Le CDH dénonce le coup de force de la ministre libérale de ne pas tenir compte des besoins criants de médecins en fédération Wallonie-Bruxelles. Pour Écolo, la ministre semble décidément ne pas vouloir organiser une politique de santé publique de qualité. Côté MR, Didier Reynders, vice-premier ministre dans le gouvernement, réfute que l'accord porte atteinte aux intérêts des francophones. Selon lui, la ministre est partie d'une clé de répartition 56%, 44%, mais elle a ensuite tenu compte du fait qu'il n'y ait pas eu d'examen d'entrée pendant des années côté francophone, ce qui n'était pas le cas côté néerlandophone. Du sport, en tennis, quelques matchs de Belges à suivre aujourd'hui, ceux de David Goffin et Steve Darcy à la Coupe Davis, elle se joue à Ostende. La Belgique affronte le Brésil, premier match à 14h entre David Goffin et Thiago Monteiro, 101e joueur mondial. Dans la foulée, le second simple opposera Steve Darcy au numéro 1 brésilien, Thomas Bellucci. Et du tennis toujours, ça sera aux Jeux paralympiques de Rio aussi. Joachim Gérard joue la petite finale à 17h pour tenter de décrocher la médaille de bronze. Il affrontera le Français Stéphane Houdet. En soirée du football, Charleroi reçoit Malines pour la 7e journée de championnat. La météo, profitez encore un peu de la matinée si vous le pouvez et du temps sec. Cet après-midi, quelques averses sont possibles. À l'ouest du pays surtout, les maxima iront de 19 à 24 degrés. RTBF Mobile Info avec Caroline Gillet. Il y a un véhicule en panne sur la petite ceinture. Exactement, la sortie du tunnel Arlois est en voie de droite vers la gare du Midi. Accident sur la nationale 98 ligne Mété à hauteur de Cumier. La voie de droite est indisponible en direction de Mété et puis des ralentissements dans le chantier de Cheratte comme les jours précédents. Vous perdez une trentaine de minutes avec une circulation ralentie depuis Votem vers l'Allemagne. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On n'est pas des pigeons débarque sur Vivacité avec Sébastien Nolvaux. Merci Justine, retour de l'info à midi. Si vous trouvez le même produit moins cher dans un autre magasin, Vandenborg rembourse la différence. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons, Sébastien Nolvaux. Bonjour les amis. Bonjour. Ça va bien, c'est vendredi aujourd'hui, vous savez ce qu'on fait le vendredi, veille du week-end, ou alors samedi matin, enfin il y a un truc qu'on fait traditionnellement. La grasse matinée. Mais non, les courses. Ah, les courses. Bah oui, vendredi soir, samedi matin, on fait les courses. Et bien aujourd'hui on verra... On en a déjà parlé de la différence de prix entre la France et la Belgique, Maya, mais aujourd'hui on va vraiment voir si ça vaut la peine. On va prendre le même caddie et on va aller des deux côtés. Exactement, on va aller dans la même enseigne, même avec le même caddie de course, et on va voir finalement si c'est si avantageux que ça d'aller faire ses courses en France. Dans le journal de la Conso Aurore, on parle de cotes de luxe. Ah oui, des cotes qui sont louées jusque 700 euros, mais sont de très très beaux cotes. Ça va, ça va. Oui, il y a un appart à ce prix. Bah, à peu près, oui. Isabelle, on va tester nos connaissances. C'est quoi le quiz du jour? Alors aujourd'hui, c'est le début de la semaine de la. mobilité. Et donc le quiz, il sera sur la mobilité. Embouteillage. Bravo. Mobilité, c'est un concept qui n'existe de moins en moins en ville, j'ai l'impression. Puis on va déguster du sel aromatisé aujourd'hui avec des saveurs très particulières. Ce sera en fin d'heure. D'ici là, si vous avez des choses à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe. Oui, sur notre page, on n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail. L'adresse, c'est pigeon@rtbf.be. Laissez un message sur le répondeur 070 222 660 ou envoyez un SMS au 3063. Ça coûte 50 centimes le message. À tout ça, bien sûr, on rajoute un peu de musique. Celle de Natacha Saint-Pierre en duo avec Pascal Obispo. Il y aura aussi côté souvenir et bon souvenir. Simple Minds. Vous écoutez, on n'est pas des pigeons, c'est sur Vivacité, c'est jusque 13h. Bienvenue tout le monde. Alex Germis survivra avec Sweet Afterglow. Votre courrier est arrivé. Oh, de nos jours, le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Hier, on vous parlait de Valérie qui râlait parce qu'elle ne pouvait pas utiliser son Walibi Golden Pass certains jours quand le parc est réservé à la société, alors que ce Walibi Golden Pass était à durée indéterminée. Pendant un an, on y allait quand on voulait. La porte-parole du parc s'était défendue en disant que les clients étaient prévenus personnellement par mail quand ce parc était réservé. Or, Valérie dit qu'elle n'a jamais reçu de mail. On a donc lancé un appel hier à la radio en demandant aux personnes qui ont ce genre d'abonnement si elles avaient reçu un mail pour leur dire, ben voilà, ne venez pas tel jour parce que ce sera pas possible, c'est sold out, c'est réservé. Et il y a eu des réponses. Bah oui, et elles vont dans les deux sens en fait. Eric confirme, selon lui, Walibi ne communique pas les jours full par mail. Le seul moyen de le savoir est de vérifier le calendrier des ouvertures sur les sites correspondants de Walibi et d'Aqualibi. Annick n'a jamais reçu aucun mail non plus. Par contre, Martine nous écrit, oui, Walibi prévient quand il y a des journées entreprises. Pareil pour Cédric, nous sommes toujours prévenus, page Facebook, mail, etc. Et c'est vrai que les jours entreprises sont extrêmement rares sur une année. Je n'ai jamais eu de problème, en tout cas pour ma part. On vous parlait aussi hier du thé. Vous avez réagi sur la page Facebook et vous vous êtes prononcé. Est-ce que vous préférez le thé en vrac ou le thé en sachet ? Eh bien, c'est le thé en vrac qui l'emporte. Pour Taline, c'est évident et c'est un vrai plaisir de passer dans certaines boutiques, comme celle d'été Mariage Frère à Paris, un véritable retour au 19e siècle dans un vrai temple du thé. Pour Michel, c'est aussi du thé en vrac uniquement. C'est plus sain. Selon elle, le thé en sachet est fait à partir de résidus. Mais bon, il m'arrive quand même parfois d'utiliser aussi un sachet, nous précise-t-elle. Et puis Patricia nous met en garde contre les arômes artificiels qui donnent un thé parfumé. Mais à quel prix ? Celui de notre santé à défaut de ruiner notre portefeuille. Et on vous a parlé aussi des toilettes publiques. On a amené l'enquête pour voir ce qui existait en Wallonie. Ça vous a inspiré pas mal. Mais oui, Valérie nous écrit, quand je vais à un concert en plein air où il n'y a pas de toilettes, je ne bois pas, ce qui n'est pas bon ni pour moi ni pour le commerce. Aux fêtes de Wallonie ce week-end, je ne boirai pas pour ne pas aller aux toilettes et assister au concert. Ça, il faut triste, le faire. Hein, mais il faut le faire. Ne pas boire au fait de Wallonie. Alors là. Mais qu'est-ce qu'elle va faire au fait de Wallonie, Valérie ? Elle va s'ennuyer. Il y a d'autres oui, Christelle, je viens d'aller 2 semaines dans le sud de la France. Toilettes propres et gratuites. Au retour, on a tout de suite su quand on était plus en France, les toilettes étaient payantes à 50 centimes. Et puis René nous dit qu'elle est allée au Japon. On y trouve des toilettes publiques partout et en plus, elles sont propres. Ouais, mais là-bas, c'est ni bon ni mauvais. Il n'y a pas de. C'est ça. Voilà. Sur Facebook, vous pouvez continuer le débat, mais vous pouvez joindre la rédaction d'autres manières aussi. Oui, bah par exemple par mail. Articule Nolvo. L'adresse pigeon@rtbf.be, le répondeur 070 222 660. Natacha Saint-Pierre, Pascal Obispo, juste après la pause. Et puis nous irons faire nos courses, mais on hésite, en Belgique ou en France. Coucou, c'est moi, Hip. Une grande soirée ou un petit repas, il y a toujours un vin qui vous convient. C'est la foire au vin dans votre hypermarché Carrefour. Alors profitez de notre grande action. 3 bouteilles de Château Laborne achetées, bam, 3 gratuites, soit seulement 4,50€ la bouteille. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Win for Life, c'est 2000€ par mois à vie. De quoi aller si souvent au restaurant que tu en oublierais parfois que tu es juste chez tes beaux-parents. Voilà, les enfants, c'est mon ragoût, vous m'en direz des nouvelles. Oh, du ragoût, je vais peut-être jeter un œil sur le menu, moi. Vous avez des suggestions ? Puis, entre-temps, vous pourriez peut-être nous apporter quelque chose à boire, hein ? Non, mais dis donc, ça va pas, toi ? Pfff, eh ben, elle craint, la serveuse, hein, elle peut oublier son pourboire. Joue à Win for Life dans ton point de vente, online ou sur mobile. Win for Life, du fun for life. Chérie, combien de temps avant 22h ? 6 secondes, concentration maximale, hein. Pas trop tôt, pas trop tôt. 4, 3, allez, Patrick, 2, à fond, hein. 1 et go ! N'oublie pas de passer en dessous du canapé, hein. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. Cette semaine dans Moustique, dossier spécial Caterpillar. Check-up économique de nos régions. Sont-elles condamnées ou en croissance ? Les aides et cadeaux fiscaux aux entreprises. Le vrai et le faux. L'actu décodé, le meilleur de la culture, des tendances et de la télé, c'est dans Moustique, les taux qui piquent. Abonnez-vous maintenant et profitez de notre offre spéciale. Un an pour 79€ seulement sur moustique.be/rentrée. L'Esplanade. Envie de faire de la place intelligemment dans votre dressing ? Rendez-vous le 17 septembre de 11h à 19h à l'Esplanade. Action Vite Dressing. Vous apportez 10 kg de vêtements, repartez avec une gift card L'Esplanade de 10€ et rendez service à des gens qui en ont besoin. L'Esplanade. Le shopping a changé d'air. Plus d'infos sur la page Facebook de l'Esplanade. Info et bonne humeur. La bande du 8-9 revient lundi de 8 à 9 pour bien démarrer la journée sur Vivacité et sur la Une. Comme tout le monde, j'ai mes Seul moment avec Natacha Saint-Pierre. Plus qu'il a beau. C'était en quelle année cette histoire? En 2002, Natacha Saint-Pierre, Pascal Obispo avec Tu Trouveras. On n'est pas des pigeons. Bon allez, trêve de plaisanterie. On a un truc à faire ce week-end, comme tous les week-ends, malheureusement. Faut s'y coller, hein. On va faire les magasins, on va aller faire nos courses et on sort la liste, Maya. Ouais, on sort la liste de courses et on va quand même faire quelques kilomètres puisqu'on va faire nos emplettes en France cette semaine. En fait, on s'est déjà souvent posé la question, est-ce que c'est plus intéressant d'aller faire ses courses en France qu'en Belgique? On sait que pour certains trucs, il y a des prix qui sont plus intéressants en France. Voilà. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous pensez à l'eau et les yaourts? Systématiquement, l'eau, ouais. Tout ce qui est parapharmacie et compagnie. Ouais, mais dans les grandes surfaces, effectivement, il y en a qui vont exprès pour l'eau. C'est drôle. Et qui font leur stock d'eau pour les 6 prochains mois. Quoi. On a l'impression, en tout cas, en les voyant à la caisse. Et bien là, justement, on a voulu comparer et on a été dans la même enseigne. On a composé le même panier, seulement cette enseigne, elle était de part et d'autre de la frontière. Cette enseigne, on avait une en France, à Givet, et une en Belgique, à Jambes. D'accord. Alors, on a comparé le contenu et on a comparer surtout le ticket de caisse. Enfin, quand je dis on, c'est plutôt Corinne Gerbinet, notre journaliste, qui a comparé ça. Et vous voulez déjà savoir le résultat? Mais oui, parce on est impatients. Je n'en peux plus. Figurez-vous que sur un panier de combien d'articles? Je vais vous le dire tout de suite, 17 articles. Il n'y a que 3 petits euros de différence au final entre les deux tickets de caisse de cette enseigne. Donc c'était 3 euros moins cher en France qu'en Belgique. Donc finalement, la différence. Oui, on n'y gagne pas. Voilà, on y gagne, si on y gagne. Mais on y gagne, voilà, c'est ça. On perd en essence si on n'est pas tout près. Aussi, et ça, d'ailleurs, Aurore, on l'a calculé aussi, finalement, parce qu'on s'est dit, si on est transfrontalier, c'est très bien d'aller faire ses courses en France, facile, c'est effectivement, pratique. Ouais. Par contre, si on habite Bruxelles ou Liège, par exemple, c'est déjà moins intéressant. Et du coup, on s'est dit, par exemple, sur un pack de 6 bouteilles d'eau, on a remarqué que la différence de prix était de 84 cents par pack de bouteilles d'eau. Mm-hmm. On s'est dit, combien de packs de bouteilles d'eau il faudrait acheter, au final, pour rentabiliser le trajet au avec carburant. D'accord, voilà. Okay. Ah, ouais. Alors, on s'est posé la question pour 4 villes, depuis Bruxelles, depuis Liège et depuis Charleroi. Pour aller où? Pour aller jusqu'à Givet. On est allé faire nos courses, justement. D'accord. Juste de l'autre côté de la frontière. Alors, pour Bruxelles, par exemple, un aller-retour coûte quasiment 23 euros d'essence, ou en tout cas de carburant. Résultat, il faudrait acheter 27 packs de 6 bouteilles d'eau pour compenser. Ah, il faut déjà une grosse voiture. Ça calme. Hein. Ouais. Ça calme déjà. Il y a un monsieur, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait été avec sa remorque en France. Il avait rempli sa remorque de bouteilles d'eau. Mais attention, il s'est fait arrêter par la douane qui a cru évidemment. Que c'était pour un commerce, alors que lui, c'était pour une fête qu'il faisait chez lui. La photo de sa remorque remplie de bouteilles d'eau, c'était impressionnant. Fallait le faire quand même. Effectivement, on peut se faire choper par la douane. Voilà. Namur, j'y vais. Si on continue dans les déplacements, il faut rentabiliser son déplacement en achetant 15 packs de 6 bouteilles d'eau. Liège, j'y vais. 29 packs de 6 bouteilles d'eau. Et Charleroi, j'y vais. 13 packs de 6 bouteilles d'eau. Et encore là, on ne compte que le carburant. On ne compte pas évidemment tous les autres frais inhérents au déplacement en voiture. Donc, en fait, finalement, Aurore parlait du carburant. Et c'est vrai que c'est du coup plus intéressant si on est transfrontalier. Mais ça dépend aussi du type de panier avec les produits. Ça dépend un petit peu. Dans notre cas, par exemple, il y avait un panier très varié. Mmh. Et donc, fatalement, les produits plus chers en France et moins chers en France s'équilibraient. Mmh. Et c'est pour ça qu'on arrivait à une différence de 3 euros. Était, voilà, ouais. C'est ça, mais on l'a compris, à part être frontalier, il faut vraiment être super, super motivé. Mais est-ce qu'on peut vraiment comparer tous les articles de part et d'autre de la frontière ? Ben non, on ne peut pas tout comparer, tout simplement parce qu'on ne trouve pas toujours les mêmes produits de part et d'autre. Et puis aussi parce que même quand on trouve les mêmes produits, le conditionnement n'est pas forcément le même. Donc, c'est un peu compliqué de comparer. Par exemple, d'un côté, on avait des pommes en vrac, d'autres en barquette. On avait des sodas aussi, des bouteilles de soda qui n'étaient pas... Genre un litre et demi chez nous, deux litres là-bas. Quoi, voilà, exactement, un litre et demi chez nous. Après, il suffit de faire une petite règle de trois pour voir la différence de prix. Mais donc, du coup, sur le ticket de caisse, c'est moins parlant, fatalement, puisque ce n'est pas le même conditionnement. Mais il y a quand même des avantages à faire ses courses en France, pour le moment, oui. Oui, bah, la parapharmacie, notamment, ça a été évoqué. Hein, c'est nettement moins cher, d'ailleurs. On s'en rend compte quand on va en parapharmacie en France et qu'on veut acheter sa crème de jour et qu'on constate qu'elle est deux fois moins chère quasiment que chez nous. Et puis aussi, j'ai vu beaucoup de témoignages de clients qui expliquaient qu'ils avaient l'impression que les cartes de fidélité des supermarchés en France et les promotions en magasin permettaient de faire des meilleures affaires que chez nous. D'accord, bah, c'est un autre sujet. On va partir sur les promos et on va retourner faire nos courses en France finalement. Mais là, on va aller dans le sud de la France, genre Nice, Cannes, Saint-Tropez, et c'est moi qui m'en charge. je vais mettre un petit peu de temps, je vous le dis tout de suite. Je reviens. Je reviens de la fin de la saison. On reparle de ça à la télé ce soir, Maya. Ouais, parfait. On fait comme ça. À propos de soleil et du sud de la France, on va aller un petit peu plus loin, vers l'Espagne, avec Enrique Iglesias, juste après la pause. Et puis, il sera temps déjà d'ouvrir la presse pour le journal de la conso. Je veux être surpris. Je veux le meilleur et l'unique. Je recherche les défis, la singularité, la découverte. Et j'ai trouvé ma voiture, celle qui fait la différence. Comme moi, partez à la découverte du monde de l'excellence Infiniti, chez Infiniti Brussels, 321 Chaussée de Louvain, à 1932 Woluwe-Zaventem. Drive different. Be Infiniti. Profitez maintenant de l'action automne. Des milliers de carrelages à petit prix. Viva Bruxelles présente la fête des familles pour l'inclusion des personnes handicapées. Dans une ambiance festive, participez à une foule d'activités pour tous, aux ateliers créatifs, à des spectacles ludiques. Rendez-vous le 17 septembre au stade Tordelt à Skarbek pour la fête des familles, à l'initiative de la commune de Skarbek et du gouvernement francophone bruxellois. Séance VIP, une soirée, deux grands films, tous les lundis sur la Une. Ma femme a disparu de notre domicile tôt dans la matinée le 5 juillet. Pas de cadavre, pas d'arme du crime. Leur seul espoir, ce sont des aveux. Tu me demandes si j'ai tué ma femme ? Gone Girl, un thriller psychologique de David Fincher avec Ben Affleck, suivi de Company Men, ce lundi sur la Une. Bientôt à Anderlecht, préparez-vous à acheter moins cher toute l'année. Mais comment font-ils ? Découvrez-le sur electrodepot.be. Electrodepot. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Hey, hey, I will survive. Donnez une seconde vie à vos vieilles chaussures. Apportez-les jusqu'au 18 septembre chez Brentano. Vous recevrez pour chaque paire un bon de réduction de 12,50€ et vous soutiendrez une bonne cause. Brentano. Info et magasin ouvert ce dimanche, brentano.be. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Iglesias sur Vivacité avec le titre Duele el corazón. C'est toujours facile à dire ces trucs-là, avec l'accent. Non, vous le faites bien, ça ouais, va. T'es oui, oui. Oui, je suis contente. Allez, c'est le principal. Sur les routes, comment ça se passe, Caroline Gillet? Ah, ça reste compliqué dans le chantier de Cheratte, puisque vous perdez encore 25 minutes une circulation ralentie depuis Votem en direction de l'Allemagne sur le 40. Donc, ralentissement aussi dans le centre-ville de Bruxelles, entre les tunnels Léopold II et Botanique vers le midi. Et puis, on reparle de cet accident sur la nationale 98 ligne Mété à hauteur de Quemillé. La voie de droite est neutralisée en direction de Mété. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Il est presque 11h28. On ouvre la presse du jour avec le journal de la Conso Aurore. On peut lire, notamment aujourd'hui, que votre GSM pourra bientôt nous informer d'une situation d'urgence via SMS. Oui, un SMS envoyé à toutes les personnes présentes dans une même zone pour les prévenir d'un danger. Ce sera effectif dans le courant de l'année 2017. Le centre de crise y travaille fermement. On pense bien évidemment aux attaques terroristes, mais pas seulement. Vous pourriez être averti d'une inondation, d'un violent incendie ou d'un incident nucléaire. Par exemple. Je rigole, j'imagine le SMS qui arrive et c'est marqué « Attention derrière toi ». Juste ça. Oh oui, ils peuvent faire des blagues, ce serait drôle. Mais bon, c'est pas le but ici, évidemment. Oui, ah oui, je ça. Pense oh, sûr que tout le monde apprécie. Attaque nucléaire, bouffe, lol. Oh, j'imagine le truc. En tout cas, les vrais messages, ceux qui seront vraiment utiles, ils seront gratuits et pris en charge par les autorités. L'avantage du système, c'est que le SMS peut prévenir tout le monde dans la même zone. Donc y compris des touristes de passage par exemple, puisque ça fonctionnerait sur le principe de la géolocalisation et pas sur base d'une base de données par exemple. À terme, les réseaux sociaux et les téléphones fixes pourraient aussi être intégrés au projet avec des envois de messages écrits ou vocaux en cas d'incident. On attend de voir. Oui. Hein? Et on espère de ne jamais voir finalement, parce que ça transmet une catastrophe. Mais après, ça peut être intéressant, par exemple, en cas d'inondation, ouais. Si on vous prévient qu'il y a... Mais alors, on prévient la zone, mais là, pour des inondations, on pourrait vous prévenir aussi si vous êtes ailleurs. D'accord. Parce que si vous travaillez à Bruxelles et qu'il y a une inondation à Namur, ouais. Ben là, ils en tiendraient compte pour vous prévenir aussi. même que vous êtes à Bruxelles, que vous avez compris ? Absolument pas. On a compris. Si vous n'avez pas encore de cote pour l'année académique, bien lisez la Libre. On y trouve un dossier sur les logements de luxe pour étudiants. Oui, on oublie l'image du cote pourri aussi grand qu'un placard avec des champignons dans la salle de bain et la fenêtre qu'il faut bloquer avec une chaise. On est maintenant dans l'ère du cote de luxe, plus grand, mieux fini et même parfois accompagné de services comme un concierge, une salle d'études ou un parking. Alors ça représente qu'une petite partie du parc locatif, mais tout de même, ça existe. Et ça concerne qu'une toute petite partie des étudiants, à mon avis aussi. Ça concerne aussi les gens qui ont un petit peu de sous, parce que 150 000 euros le à mois, l'achat. Au mois. Alors, pour... mais non, ça c'est quand vous l'achetez. C'est pour un loyer possible de 550 euros minimum. Mais ça, c'est vraiment le prix qu'ils ont pris minimum. Alors, si vous comptez investir, ça représente un rendement de 4% contre 3,6% pour des cotes classiques, toujours en se basant sur ce prix de 550 euros. Et encore, je vous le disais, puisque les prix de location sont souvent plus élevés, le journal donne l'exemple de cotes communautaires de luxe à Liège, mis en location pour 700 euros par mois. Mais là, toute charge comprise. Ouais, non, ça, faut pas c'est... non plus déconner. Voilà. C'est quand même c'est énorme. Hein. Enfin, il y a plein de personnes qui peuvent pas s'offrir un vrai loyer de ce prix. Déjà. Mais j'avais déjà vu des images de ce genre de cote, notamment bah, à Liège, au bord de la Meuse, et c'était vraiment mais fantastique. On aurait dit un loft, quoi. Super cool, on dit. Non, à Liège, bon, on dit pas ça comme et ça. Pour la dernière info dans la presse, on a besoin d'une petite musique. Ça vous dit quelque chose? Moi oui, mais ne me regardez pas tous, les gendarmes. Oui, les gendarmes avec De Funès. Et là-dedans, la voiture mythique, la Méhari. Elle est de retour en Belgique, la Méhari. Ben oui, c'est une voiture décapotable associée à l'été et aux vacances. Ça faisait un petit peu gadget puisque la carrosserie était en plastique. Je dis été au passé puisqu'on a construit cette voiture en plus en Belgique à Forêt, figurez-vous, entre 1968 et 1987. Le modèle conçu par Citroën ressort donc, mais en version 100% électrique. 40 exemplaires seulement sont prévus pour la Belgique, autant dire qu'on va se les arracher. Quoique, parce qu'à ce prix-là, 25 200 euros... Ah ouais. La version n'est pas trop ressemblante. Ah mais alors là non, je l'ai souligné. Vous avez regardé la photo, hein, Seb. Tout ressemblant. C'est tout arrondi alors que la voiture de base est quand même très carrée, donc ça n'a pas grand-chose à voir. En plus, il faut aussi compter quelques petits désavantages, comme par exemple la voiture qui ne dépasse pas 110 km/h, les commandes qui se trouvent au niveau des genoux et qui sont pas du tout pratiques, et une batterie qui a une autonomie de seulement 200 km et il faut 8 heures pour la recharger. Maintenant, si vous êtes amateur de ce genre de véhicule, acheter la vieille Méhari qui, d'occasion, doit être autour de 10-15 000 pour celles qui sont super bien entretenues. C'est un objet de collection. Ça peut aller jusque 30 000 euros. Ah ouais. Et alors, truc génial, vous parlez de coque en plastique, mais c'est un énorme avantage. Cette voiture ne rouille pas. Elle ne rouillera jamais. Elle ne peut avoir que des problèmes moteurs. Donc, ouais, je suis fan à moi de cette bagnole. Oui. Ah ouais, vraiment. Mais en plus, sur le nouveau modèle, ils ont remplacé le klaxon par un bruit de cigale pour faire plus sud de la France et vacances. Maintenant, cette voiture en Belgique, tous les jours, quand il pleut, c'est moins drôle. Mais il y a les versions capotes. Hein. Si. Oui, il y a une bâche. Plastique. Oui, mais il faisait beaucoup de bruit quand il pleuvait sur la bâche en plastique. C'est un moteur de deux chevaux. Et c'est vrai que ça a son charme. Maintenant, quand il fait beau et dans le sud de la France, on est d'accord. C'était dans le journal de la Conso. Cette photo, si vous voulez la voir, c'était dans les journaux du groupe Sud Presse aujourd'hui. On va marquer une pause avec Simple Minds. Et puis, nous sommes vendredi, un petit quiz. Oh, on va un peu jouer. Hein. Sur quoi? Sur la mobilité. Bah oui, justement, c'est la semaine de la mobilité qui commence. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 euros et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où le voulez. C'est vert. Et oh, c'est vert. Quoi ? C'est vert, je te dis. Ben voilà, c'est rouge. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advanced Comfort avec navigation connectée et Pack Lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be.

1985 avec ce tube, que dis-je, ce méga tube, Simple Minds, Alive and Kicking. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Nous sommes vendredi, c'est donc le quiz du jour. Avec la semaine de la mobilité qui commence aujourd'hui, l'occasion de tester nos connaissances, Isabelle. On commence par qui? Devinez. Je sais pas, moi? Ben, par exemple. Oh, mince, ouais. Zut. Concentrez-vous bien. Stéphanie de Monaco. À votre avis? Oui. En Wallonie, quel est le pourcentage d'automobilistes qui voyagent seuls ou parfois en famille? Un pourcentage. Je ne sais pas, beaucoup. Oh non. Allez, lancez-vous. Non, mais pour les trajets de la vie de tous les jours, oui, ou pour aller au boulot? Oui, non, pour aller au travail. 65%. Eh bien, c'est plus. Hein. Oui. 81,7%. Pratique ce qu'on appelle l'autosolisme. Il y en a moins en Flandre, on tourne autour des 68%. Et là où il y en a vraiment nettement moins, c'est à Bruxelles, on tourne autour des 38% à Bruxelles. C'est aussi ceux qui prennent le plus les transports en commun, les trains. Aurore est morte de rire, je ne sais pas pourquoi. L'autosolisme, ça l'a fait marrer. Dites-moi pourquoi. Non, rien, non. Elle rougit. Donc... Mais pourquoi est-ce qu'à Bruxelles, on pratique nettement moins l'autosolisme? Parce qu'on prend les transports en commun. Et pourquoi on prend les transports en commun? Parce que c'est plus fréquent. Beaucoup trop d'autosolistes dans les rues. Non, mais parce que c'est infernal, la circulation à Bruxelles, les travaux, les tunnels fermés, parce tout ça. Parce que c'est pas infernal de prendre les transports en commun à Bruxelles? Pas toujours. D'accord. Mais moi, quand Wallonie, si on a pratiqué les deux, je peux vous dire que c'est quand même nettement plus pratique à Bruxelles, les transports en commun. C'est vrai. Bon. J'ai mal répondu. On passe à 0 point pour Sébastien. Aurore pour la suite. Aurore. Oui. En quelle année a eu lieu la première journée sans voiture à Bruxelles? Ah, c'est une bonne question. Ah, oui. En 1997. Ah non, c'était un peu plus tard, c'était en 2002, dans le cadre d'une initiative européenne. Et Bruxelles se distingue vraiment en la matière parce que vous savez qu'aujourd'hui, elle représente la plus grande zone fermée aux voitures en Europe. Il n'y a personne qui fait aussi bien que nous. Une fois par an en Europe, c'est la plus grande zone où les gens font n'importe quoi et s'en foutent royalement du code de la route. Je crois que Sébastien n'aime pas tellement la journée sans... Tu sais où je serai, moi, dimanche? Eh ben pas à Bruxelles. On continue? Oui, avec qui? Saskia. Ah, notre petite Jeannette, Saskia. Attention, notre stagiaire. Figurez-vous, Saskia, qu'en Belgique, il y a une année où il y a eu 4 dimanches sans voiture. En quelle année c'était? Et ça, je crois que je peux répondre. Ah oui, quatre dimanches sans voiture. Je crois que je peux répondre à ça. Allez, lancez-vous, donnez-moi une date au hasard. Ne trichez pas, non, ne regardez rien, pas, Sébastien. Je ne dis rien. 2006 Non. Allez, Sébastien, puisque vous avez... Je crois que c'était en 74. 73, dans ces eaux-là. C'était en 73. Voilà. J'avoue, vous n'étiez pas nés. Saskia, Aurore et Sébastien, à peine, mais il a quand même su répondre. Non. Mais pardon, 73, tu es... Non, mais c'était la crise pétrolière, hein, ce truc-là. C'était la crise pétrolière. La crise pétrolière, voilà. Je me suis trompée dans l'année de naissance d'Aurore. Mais oui. Et donc c'était évidemment, maintenant on dit les dimanches sans voiture, c'est plutôt pour un message climatique. À l'époque, c'était évidemment pour un message plutôt économique. Bon, Maya, elle a droit à une question aussi. Mais bien sûr. Allez. Sébastien, qui dit... Mobilité dit aussi aujourd'hui moyen alternatif pour se déplacer. Évidemment. Parmi ceux-ci, il y a Blablacar, donc le service de covoiturage qui commence vraiment à cartonner. Combien de personnes cet été ont fait appel à Blablacar en Belgique? Ouh là là. Combien de personnes cet été ont fait appel à Blablacar? Entre 12 et 1 million. On a un chiffre. Je ne sais pas du tout. C'est aujourd'hui. Allez, au hasard. Avant 2000. 2000. Non. Combien? 6 000. 100 000. Ah, oulala. 100 000 personnes. C'est très très loin du chiffre. Et alors, certains ont connu des hausses impressionnantes, plus 210% pour Knock East. Alors, je ne sais pas si c'était des Jaguars. Ah oui, c'est ça, j'allais dire. Blablacar. Et par exemple, plus 110% pour la panne. D'accord. Mais Carlo vient de faire son entrée dans ce studio discrètement. On a encore une question pour lui. Viens sur mes genoux, Carlo. Je préfère les genoux d'Isabelle. Tu vas voir la réponse. C'est un quiz mobilité. Vas-y, dois répondre à la question de la dame. Voilà. De plus en plus de grandes villes proposent le système de partage de vélos qui s'appelle à Bruxelles le Vilo. Et qui a été lancé, mais ce n'était pas ça la question. Ah, je ça a été lancé en 2009. Oui. D'après vous,

instant de grâce où je donne ma place au paradis si l'on m'oublie sur terre. Encore hier. Encore un soir. Encore une heure. Comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, rien de tout. Pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore. Je sais, il est tard. Ça, c'est le moment important. Tu vois, j'ai envie de chanter sur toutes les chansons aujourd'hui. Sur toutes les chansons un peu nazes en plus. Enfin, non, celle-là, c'est romantique. Naze, hein. Ça, c'est beau, ça, c'est beau. Céline Dion avec Encore un soir. Vivacité, on n'est pas des pigeons. Allez, aujourd'hui, on va goûter un produit un peu particulier. C'est de la fleur de sel. Mais ce sel a des saveurs un petit peu particulières aussi. Saveur cacao, bière ou encore fromage de Hervé. Hervé Ronce, bonjour. Vincent Ronce. Vincent, pardon. Ah oui, non, c'est Hervé. C'est fromage de Hervé. Fromage de Vincent avec Hervé. Il est légèrement dyslexique. Vincent, vous êtes l'homme qui a développé cette fleur de sel. C'est assez étonnant. Pourquoi faire ces goûts-là avec la fleur de sel? Tout simplement parce que personne ne l'a jamais fait. C'est une bonne réponse. C'est une façon d'innover. Moi, c'est aussi une façon de pouvoir mettre des produits qui sont typiquement belges en avant dans quelque chose que tout le monde utilise tous les jours dans sa cuisine. Enfin, la fleur de sel, c'est pas belge au point de départ. C'est pas une fleur de sel belge. Alors, la fleur de sel n'est pas belge. Elle vient de Guérande. J'étais chercher un producteur le plus près possible de la Belgique parce que moi, je peux pas en trouver ici en Belgique. Et donc, c'est pour ça que je l'appelle la fleur de sel à la belge. Mmh. Parce que je la transforme avec des produits 100% belges. Bon, alors, moi, je viens de goûter. Ici, la fleur de sel à la bière noire. Bon, c'est déjà un petit peu particulier de se manger un morceau de sel. Mais il faut que tu imagines ça en condiment, évidemment. Mais justement, on sert ça avec quoi? Alors, on peut servir ça avec énormément de choses. Donc, par exemple, prenons l'exemple de la bière noire. C'est quelque chose qui irait très bien sur des viandes, barbecue. Donc, vu que c'est un produit qui est déshydraté et qui est sec, le fait de le mettre sur une viande qui est chaude et qui est un peu juteuse, ça va permettre d'avoir des saveurs un peu sympas. Est-ce que vous avez essayé de masser des viandes à la fleur de sel avec l'une ou l'autre de ces fleurs de sel, peut-être pas celle au spéculoos pour la viande, mais... Quoique. Et ça donne quelque chose, ou bien à la cuisson, les parfums risquent de partir? Alors, les parfums ne vont pas partir. Par exemple, prenons celle au fromage de Hervé. Je viens de la goûter. C'est surprenant, mais c'est pas mauvais. C'est même bon. En fait, c'est de la croûte de fromage de Hervé râpée. Franchement, c'est super étonnant. Je vais en reprendre. Et ça, par exemple, le fromage d'Hervé, vous mettez ça avec quoi? Alors, fromage d'Hervé, même chose. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre avec des viandes, dans des tartiflettes, dans des salades. On peut mettre ça avec énormément de choses. Du fromage, on en mange un peu tous les jours. Oui, mais tu vas pas mettre. Oui, mais si on met fromage. Mais par contre, dans une petite salade, si on fait une petite salade de blé avec des petits croûtons et des choses. On peut mettre ça dans une soupe aussi pour donner un petit arrière-goût. Du fromage de Hervé. Et ça fait combien de temps que vous avez lancé ce produit sur le marché? Alors, c'est assez nouveau. Le produit date de début mai. Ouais. Donc l'idée date de 2012. La société a été créée en 2015. Et les produits sont commercialisés depuis début mai. Ici en Wallonie à Bruxelles. On les trouve où? Dans des épiceries spécialisées, je présume, pour l'instant? Exactement, donc ça se limite à des épiceries fines. Il y a 15 points de vente aujourd'hui. Ça va de Sarlespa à Bâtisse, Liège, Warem, Éric-Sansard et Bruxelles. Ouais. Même jusque Durbuy. L'idée, évidemment, est de continuer à avoir des nouveaux points de vente. Donc d'ailleurs, je passe un message. Si tu veux une épicerie. Oui, c'est ça. Que tu veux vendre. Et que tu veux vendre ça à combien? Alors, le coffret cadeau ici est à 19,90€. Donc ça, c'est vraiment le coffret découverte avec les quatre goûts. Mm-hmm. Et on peut acheter aussi des fioles à l'unité qui sont à 5,69€. Carlo, du sel comme ça aromatisé, ça vous... Alors moi, le défi que je donne à notre producteur et que je lui souhaite, c'est en fait, dans le monde de l'épicerie fine, il faut passer la barrière du deuxième achat. Parce que si, par exemple, le produit est lancé dans les épiceries fines, on fait déguster, les marchés de Noël, en général, ça marche bien, on découvre, cadeaux, etc., on découvre, il faut y revenir. Les gens achètent une première fois et le défi, c'est de réussir un condiment, comme l'ont très bien réussi certains avec des sauces récemment qu'on a reçues ici, du deuxième achat, c'est-à-dire du produit vraiment utile. Et donc je pense que peut-être ce qui serait utile, c'est de donner des recettes avec, ouais, avec votre produit. Mais par exemple, je pense à la fleur de sel de spéculoos qui irait très bien avec une petite salade avec du magret de canard. Ah non, mais sincèrement, c'est... Oh, on a faim, hein. Non, mais c'est une découverte parce que c'est sympa. C'est vraiment sympa. Oui, c'est très sympa. C'est assez original. Je me demande juste la persistance du goût, c'est-à-dire que, parce qu'on ne va pas manger le sel à la cuillère, donc la persistance du goût, une fois qu'il est mis en scène, mais je pense que j'imagine bien la fleur de sel là, sur un petit dé de petite escalope de foie gras, c'est le spéculoos, ça me plaît. Un site internet, peut-être pour retrouver toutes les infos concernant votre produit. Alors, on peut le retrouver sur www.alabelge.be. Ouais. Là, il y aura les points de vente aussi. Alors, il y a les points de vente. Des recettes, justement, vont arriver très prochainement. Donc là, c'est en cours. La page est en préparation. Effectivement, je réagis aussi à ce que Carlo vient de dire. Pour le deuxième achat, j'annonce déjà qu'une deuxième gamme de 4 nouveaux goûts va bientôt. Et déjà, on peut savoir ce qu'il y aura ? Crevettes. Boudin noir. Donc, crevettes, c'est ça. Et cougnou pour les fêtes de fin d'année. On va retrouver, par exemple, du jambon fumé. Ah ouais, ouais. Ah, ouais. Saucisson aussi. Eh ben non, mais franchement, c'est une bonne idée. C'est un petit moi, je trouve ça un beau cadeau. Hein. C'est super un beau original. Cadeau à faire. C'est un beau cadeau, à condition qu'on y revienne après. Donc, toutes les infos sur le site alabelge.be. Merci, Vincent Ronce, d'être passé dans notre studio, nous faire découvrir votre produit. La suite, c'est la musique d'Overphonique. Overphonique avec non pas le dernier extrait, mais toujours le dernier album, ça c'est sûr. Amalfi, c'est le titre. Titre composé en région liégeoise, évidemment. J'avais la même idée en tête. Alors. C'est Amalfi. Évident. Morning, sunshine, you are always smiling when I open my eyes. Do shine red. C'est dans les saveurs dans la deuxième heure de cette émission puisqu'on parlera de romarin avec vous, Carlo. Oui. Du romarin qu'on met n'importe où, n'importe sur n'importe quoi aussi. Oui, on peut mélanger avec la fleur de sel, ouais, par exemple. On peut tout faire. Ce sera après les infos de midi qui arrivent. Les meilleures conditions et jusqu'à 5 ans d'entretien, de garantie et d'assistance. Ils ont tout pour me plaire. Hyundai Auto Mézère, 542 Chaussée de Louvain, proximité Mézère. Action spéciale automne en carrelage et sanitaire. Les prix chutent comme les feuilles, quel que soit votre style, vous trouverez votre bonheur pour votre habitation au Carrelage Salvator. Il est temps de vous faire plaisir avec des collections à tout petit budget, des prix vraiment plus qu'accessibles, des milliers de mètres carrés de carrelage à tout petit prix. Venez découvrir nos offres exceptionnelles dans nos showrooms de Villevorde et Rode-Saint-Genèse. .be. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Venez redécouvrir ce dimanche, sans voiture, Bruxelles ma belle. Rendez-vous dès 10h pour déjeuner sur l'herbe, au pied de l'Atomium. À 13h, tous en selle avec Joël Scorils. Et à 16h, concert gratuit de Willy William et Magic System. Venez bouger avec nous, ça vous fera un bien fou. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel, avec Engie Electrabel. Coucou, c'est moi, Hip. Une grande soirée ou un petit repas, il y a toujours un vin qui vous convient. C'est la foire au vin dans votre hypermarché Carrefour. Alors profitez de notre grande action. 3 bouteilles de Château Laborne achetées, bam, 3 gratuites, soit seulement 4,50€ la bouteille. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Vous écoutez Vivacité, il est midi. Les infos avec Justine Hermans. Bonjour Justine. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. 5000 personnes défilent dans les rues de Charleroi depuis 2 heures environ. Une manifestation pour soutenir les travailleurs de Caterpillar Gosselies, mais pas seulement, les travailleurs des sous-traitants de l'usine Carolo aussi. Dans le cortège donc des travailleurs de ces entreprises, d'autres secteurs et également des travailleurs français de Caterpillar Grenoble. Luciano Arcangeli est sur place, il a recueilli quelques réactions. Je vois que vous venez du Brabant Wallon. Oui, Brabant Wallon, oui. Vous êtes venu soutenir les travailleurs de Caterpillar Gosselies. Voilà, exactement, oui. On est tous les délégués et les collègues de la Vache Bleue dans le Brabant Wallon. On fait la manif pour dire qu'on soutienne mutuellement et que les politiques fassent quelque chose pour dire qu'ils nous retrouvent soit un emploi ou qu'ils souffrent Caterpillar. Quand on voit à l'heure actuelle en Belgique qu'il y a toutes les boîtes qui ferment, je pense qu'ils se sentent un peu concernés parce qu'à un moment ou à un autre, c'est eux qui vont le ressortir aussi, quoi. On pense qu'ils auraient fait pareil pour nous si notre usine aurait fermé. Donc voilà, en solidarité à eux, on fait ça pour eux. Et ils feraient ça pour nous aussi. Tous ensemble, tous ensemble! Et cette manifestation, elle a des conséquences sur la circulation des bus, surtout le réseau TEC est perturbé. Des chauffeurs participent à la manifestation. Toujours dans la région de Charleroi, une librairie a été braquée ce matin à Monson-sur-Sambre. 2 individus ont fait irruption dans le magasin peu après 7h du matin. Un autre attendait dans un véhicule à l'extérieur. Ils ont emporté le contenu de la caisse et des cartouches de cigarettes. Une enquête est ouverte. Le gouvernement fédéral a tranché hier en ce qui concerne la clé de répartition des numéros Inami au sud et au nord du pays. Il est question des numéros Inami qui seront disponibles en 2022 pour les étudiants en médecine. Ils en ont besoin pour pouvoir exercer. Alors cette clé de répartition, c'est 60% pour les Flamands et 40% pour les francophones. Elle reste donc inchangée. Reste le problème des étudiants aujourd'hui en cours d'études et qui sortiront en 2021. Toujours aucune solution du côté fédéral et pas non plus pour les reçus collés, ceux qui ne savent pas encore s'ils pourront passer en deuxième année ou non. Maggie De Bloch, la ministre de la Santé, elle exige que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles adopte préalablement un examen d'entrée en médecine avant d'avancer sur une quelconque solution. Elle maintient ses exigences. Il faudra un lissage négatif dans le quota de numéros Inami destinés aux francophones et il faudra compenser le nombre de numéros supplémentaires accordés jusqu'ici. Écoute à sujet Maggie De Bloch, elle est au micro de Tidi Mkouach. Enfin, on a un surnombre d'étudiants françaises en médecine et c'est vrai qu'en Flandre, on n'a pas formé assez peut-être. Et là, il y a la possibilité de réinstaller l'équilibre nécessaire. Un lissage sur 7 ans côté francophone? C'est une proposition. Vous savez, faut éviter des difficultés dans les facultés. Et pour là, on parle aussi avec les doyens, c'est ce qui est possible. On ne veut pas mettre les doyens, les universités françaises dans notre pays en difficulté. C'est très important. Mais il faut un contingentement pour aussi avoir les soins et les médecins de meilleure qualité dans notre pays. On est fiers sur la qualité de nos soins de santé, faut le rester. En sport, quelques matchs de tennis à suivre. D'abord ceux de la Coupe Davis. La Belgique affronte le Brésil ce week-end à Ostende. 2 matchs au programme aujourd'hui. Le premier à 14h entre David Goffin et Thiago Monteiro, 101e joueur mondial. Juste après, le second simple opposera Steve Darcy au numéro 1 brésilien, Tomas Bellucci. En tennis en fauteuil roulant, cette fois aux Jeux paralympiques de Rio, notre compatriote Joachim Gérard va tenter de décrocher la médaille de bronze lors de la petite finale face au Français Stéphane Houdet. La rencontre est prévue à 17h. S'il décroche le bronze, le compteur de la Belgique sera à 6 médailles. Enfin du football aussi ce soir, Charleroi ouvre le bal de la 7e journée de championnat. Les Carolos recevront Malines. RTBF Mobile Info avec Caroline Gillet, il y a un accident sur l'A602. Exactement, c'est à hauteur de Chesnay. La voie de gauche est neutralisée en direction de Loncin. Accident aussi sur l'E25 Maastricht-Liège à hauteur de Wandre. Là, c'est la voie de droite qui est neutralisée en direction de Liège. Des ralentissements dans le chantier de Cheurat, toujours sur le 40 Aix-la-Chapelle-Bruxelles. Vous perdez 25 minutes avec des files depuis Votem en direction de l'Allemagne. Ça se complique du côté de Charleroi suite à la manifestation. Sur l'A54, la bretelle de sortie est à nouveau fermée en direction de Charleroi. Et pas mal de fils dans le secteur. Ralentissement aussi à Bruxelles, les derniers cette fois entre les tunnels Léopold II et Rogier vers le midi. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On n'est pas des pigeons sur Vivacité avec Sébastien Nolveau. Pour la dernière heure du jour et de la semaine. Vandenborg suit chaque jour les prix des autres magasins et adapte ses propres prix. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Vandenborg. Vivacité. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons. Au programme de cette deuxième heure, nous parlerons de romarin, oui. Carlo. Tu cherches le jeu de mots? Non, absolument pas. Mais non, absolument pas. Je veux juste que tu me dises pourquoi on parle du romarin. Parce que dans un village d'Italie, on s'est aperçu que les centenaires pullulaient et que peut-être, c'est un petit peu lié à la consommation de romarin, mais c'est pas sûr. D'accord. Jour de la sortie de l'iPhone 7, Proximus annonçait une promo valable uniquement... Aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. 99€. Le souci, c'est qu'il n'y a pas assez d'iPhone pour tout le monde. Donc on contactera le porte-parole, voir s'il lui en reste dans ses poches, accessoirement. Voilà, il va nous expliquer la situation, pourquoi on en est arrivé là. Le tip-top des infos concon, des infos soso aussi, comme chaque vendredi, et les cas résolus avec Annie. Si vous avez des trucs à nous dire, Facebook, évidemment. Oui, notre page On n'est pas des pigeons vous attend. Vous pouvez aussi envoyer un mail, l'adresse est pigeon@rtbf.be, laisser un message sur le répondeur 070 222 660 ou envoyer un SMS au 3063, ça coûte 50 centimes le message. Mon fils, ma bataille. Les juges et les lois. C'est le titre de Daniel Balavoine qu'on retrouvera côté programmation musicale, ainsi que Gnash. Alors ça, c'est pour te plomber l'après-midi. Mais c'est joli. C'est pour détendre. C'est pour détendre. Ouais, quoi qu'il dit fuck you, fuck you. Oui, machin, faut pas écouter les paroles. Faut pas écouter les paroles. Non. Vous écoutez Vivacité, écoutez-nous, nous, mais pas les paroles des chansons jusque 13h. This feeling inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance. I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. So high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. When we move, well, you already know. Justin Timberlake sur Vivacité, le titre Can't Stop the Feeling. On n'est pas des pigeons. Ça faisait longtemps, un petit Carlos Whisper. Figurez-vous qu'un de mes amis m'a demandé, je pense que c'est lui qui a envoyé un message pour qu'on le ressorte. Carlos De Pasquale pour Carlos Whisper, les deux se mélangent. Non, ça fait au moins 3 ans qu'on ne l'avait pas fait. C'est beau. Carlo, on va parler d'un petit village, du côté de vos origines, hein, où apparemment on fabrique des centenaires à la pelle. Il semblerait que ce soit juste parce qu'ils mangent beaucoup de romarin. C'est un miracle. Oui, c'est un miracle de la Vierge qui s'allume pendant la nuit. Mais on va peut-être revenir, puisque nous sommes un peu journalistes ici, les faits, d'abord les faits. Donc c'est un village côte amalfitaine, ça s'appelle Acciaroli, la côte amalfitaine. Cet endroit béni des dieux, il y a l'île de Capri et foisonne les citrons. Mais Capri, limoncello, lasagne, tiramisu. Fini, hein. Non, hein. Si, c'est fini, Capri. Oui, mais lasagne, tiramisu, ça, si tu manges ça tout le temps, tu risques pas de devenir vieux. Et donc, quand même, loin du stress et de la pollution, 81 centenaires, en tout cas au comptage d'hier, je ne sais pas si c'est passé cette aujourd'hui, oui. Pour 700 âmes, un record qui a attiré sur place des chercheurs de l'école de médecine de San Diego en Californie et de l'université de Rome. Donc des chercheurs qui ont constaté quoi? Ben oui, est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont constaté que les gens font beaucoup d'activités physiques, ils marchent sur les pentes escarpées, qu'ils mangent beaucoup de poissons, légumes, le tout, ils ont des huiles d'olive. Ils font beaucoup de galipettes, apparemment. Apparemment, ils ont aussi un bon patrimoine génétique qui, semble-t-il, couplé éventuellement à d'autres facteurs tels que le romarin, donc déjà, il faut un gène, améliorerait la performance face aux maladies dégénératives et aux maladies cardiovasculaires. Ce qu'on a constaté, c'est qu'ils ne font pas Alzheimer et ils ne font pas d'infarctus. Ils ne se mettent pas du romarin en cataplasme, non? Et non, non, c'est comme à Okinawa. Vous savez, le Okinawa, au Japon, là aussi, ils vivent très très vieux. En fait, c'est un ensemble de facteurs. Et donc, c'est ce que je disais, ce romarin aurait une incidence sur les maladies dégénératives du cerveau. Et vous allez tous avoir, vous la bande de jeunes autour de moi, vous allez tous avoir ces maladies avant moi, parce que moi j'ai un peu les mêmes gènes et je bouffe du romarin depuis l'enfance. D'accord, voilà. Donc le romarin qui préserve le cerveau dépendrait donc d'un gène, mais est-ce que c'est bon pour le corps le romarin de manière générale? Le romarin, effectivement, il y a plusieurs manières d'absorber des plantes et des herbes en nutrition, notamment si tu manges du romarin avec du lapin, par exemple, il aura probablement des propriétés un peu stimulantes, un peu digestives. En phytothérapie, on va le faire en décoction ou en infusion. Et il y a aussi l'aromathérapie avec les fameuses huiles essentielles. Alors cette phytothérapie, on a envie de se dire tout de suite, oh là là, médecine, est-ce que ça existe? Est-ce que vraiment la phytothérapie, c'est une médecine qui tient le coup, qui existe? Alors j'ai interrogé pas mal de gens, et notamment des pharmaciens et un médecin généraliste qui m'ont dit, écoute, la phytothérapie, ça fonctionne, il y a des principes actifs dans les plantes, c'est quelque chose, il y a pas mal d'études qui sanctionnent le fait que ça fonctionne assez bien, mais par contre, du point de vue législatif, la phytothérapie, c'est toujours du complément alimentaire. Donc si par exemple, vous allez en pharmacie acheter un sachet de tisane au romarin, eh bien, il n'y aura absolument rien indiqué. Le pharmacien peut évidemment donner un conseil en disant, c'est bien contre les ballonnements et ce genre de choses, mais il ne peut pas, on ne peut pas indiquer des propriétés, les fameuses allégations santé. Si Robert Rémy était là, il le dirait encore bien mieux que moi. Alors, il y a aussi l'aromathérapie. Ça, c'est un peu un truc de gourou naturopathe, hein. On voit ça dans les magazines un peu alternatifs, mais malgré, c'est plus récent, mais c'est pas anodin l'aromathérapie, parce qu'on concentre les principes actifs dans ce qu'on appelle une huile essentielle obtenue par évaporation successive, et donc, comme c'est très concentré, ça peut être aussi dangereux que des médicaments mal employés. Ah ouais. Donc ça peut, par exemple, ça peut être toxique pour nous. Si tu te mets des gouttes d'huile essentielle dans l'œil, ça peut être mauvais. Ça peut être toxique pour les enfants. Ça peut être toxique pour le chat. Donc il faut vraiment faire attention. Mais là aussi, interdiction de mettre éventuellement ce qu'on trouve, ces inventions du genre confort intestinal. Donc voilà, mais pas plus que ça. Mais par contre, le pharmacien peut vous donner des conseils. Alors le paradoxe, c'est que vous pouvez acheter chez le pharmacien un petit bouquin d'aromathérapie, ou alors là, par contre, il y a toutes les indications, ça convient pour la congestion du nez, la congestion des oreilles, etc. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'indications. C'est un peu le paradoxe, c'est que on peut faire, donc c'est un peu le

Daniel Balavoine en 1980 avec Mon fils, ma bataille. On n'est pas des pigeons. Revenons sur les cas résolus pendant la semaine avec Annie, notamment celui de Monique qui nous a appelé cette semaine pour venir en aide à son papa. Le papa qui avait souscrit à un abonnement au journal La Meuse, mais il n'avait jamais vu la couleur du moindre journal pour plein de raisons. Ça représentait quand même 300 € d'abonnement. Et il voulait se faire rembourser. C'était pas possible, mais Annie est intervenue. Je peux vous dire que c'est un cas exceptionnel d'obtenir un remboursement, semble-t-il, mais que, et c'est la bonne nouvelle du jour et de ce début de semaine, Monique, le compte de Sud Presse a été débité le 8 septembre. Donc, logiquement, votre papa devrait, ou bien vous devriez recevoir les sous vraiment très très prochainement. Et donc, vous allez nous tenir au courant. Ça devrait être à son compte. D'accord, mais donc peut-être qu'il faut aller y aller le week-end. Vous regardez un peu les extraits de compte de votre papa et normalement, l'argent va arriver. Là, effectivement, s'il est parti de chez Sud Presse le 8, Et Monique nous a envoyé un mail pour nous dire que l'argent était bien arrivé sur le compte de son papa mercredi. Mercredi, justement, on a parlé à Angélique. Elle avait acheté plusieurs lits, sommiers, matelas, table de nuit, garde-robe. Une partie de la livraison est arrivée en juillet. Il manquait pas mal de choses, dont les matelas, ce qui est fâcheux. Là, on est quand même mi-septembre. Elle n'arrivait toujours pas à obtenir une date de livraison et la communication n'était pas top avec le magasin. Heureusement, après l'intervention d'Annie, il y a un responsable qui nous a promis une livraison pour ce vendredi, soit ce matin. Angélique est avec nous au téléphone. Angélique, bonjour. Bonjour. Ont-ils tenu leur promesse ? Oui. Ils sont venus il y a une demi-heure juste. Ouf ! Magnifique. Ah oui, c'était tout juste. Donc vous avez l'entièreté de votre commande aujourd'hui là. Tous les matelas sont là. Vous pouvez profiter de vos chambres. Ça y est. Merci mille fois, madame. Avec plaisir. C'est vrai que... C'est madame Annie, hein. Oui, merci madame Annie, parce que si vous me dites merci madame à moi... On se demandait aussi, Angélique, ce que vous vouliez dire. Bon, voilà, bonne soirée aussi, tant qu'à se tromper. Bonne journée. Est-ce qu'ils se sont excusés ? Non, pas du tout. Le livreur, lui, malgré tout, il n'en peut rien. Non, donc voilà, le principal, finalement, Angélique, c'est que vous ayez récupéré l'entièreté de votre commande. Voilà, si vous avez des petits soucis de la vie quotidienne, on rappelle vite le mail pour nous envoyer le petit souci. Pigeon, pluriel, @rtbf.be, 070 222 660 pour le répondeur. So naturally, I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. C'était Félix Jean. On va faire un petit détour par la rédaction, les titres de l'info, et puis on reviendra derrière s'occuper des iPhones qui sont en rupture de stock. Si vous cherchez un iPhone 7 combiné avec la promo de Belgacom, on vous dira ce qu'il faut faire. Peugeot Olivier. Oh yeah. Venez découvrir notre nouvelle concession Peugeot à Tubize. Peugeot Olivier vous accueille dans son vaste nouveau showroom. Chaussée de Mons, 377 à Tubize, à 2 minutes du centre. Chérie, t'as pas vu mon vieux jeans ? Bah si, je l'ai amené chez Poincaré. Ils vont le donner au petit rien. Et moi, j'ai eu 15 € de réduction sur mon nouveau jeans.

miss you when I can't sleep. Or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Fucked around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired, but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that shit. I put this reel out, but you wouldn't bite that shit. I type a text, but then I never mind that shit. I got these feelings, but you never mind that shit. Oh, oh, keep it on the low. You're still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I don't mean no harm, I just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms, caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you fucking did. Lie to me, lie with me, get your fucking fix. Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed. Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing. But I learned from my dad that it's good to have feelings when love and trust are gone. I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong. So every lonely night I sing this song. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. Like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone I watch you, I try. Gnash sur Vivacité, le titre I Hate You, I Love You. S'il y a encore du monde... Si des gens sont encore réveillés, on va passer à la suite. On n'est pas des pigeons. Allez, c'est le grand jour ce vendredi pour l'iPhone 7 qui, pour la première fois, sort partout en même temps dans le monde. Proximus, évidemment, a sauté sur l'occasion pour proposer une super offre, un iPhone 7 pour 99€ à condition de souscrire à un abonnement internet téléphone de 45€ par mois. Alors, l'offre est valable uniquement ce vendredi. C'est ce qu'a fait Madame Thomas, mais elle a bien vite détanchéité, elle a bien vite déchanté, parce que c'est, ben, y en avait plus. C'est ce qu'elle nous a expliqué sur le répondeur de l'émission. Le 14 à 18h24, la boutique chez laquelle j'avais réservé me téléphone, me disant que Proximus ne s'est pas livré tous les téléphones, car ils ont un problème, je disais, avec Apple. Donc quand on demande pour voir si elle nous met sur une liste d'attente, elle nous répond que oui, il sera disponible, mais on ne l'aura plus à 99€, qui était une grande promotion juste valable ce vendredi, on nous l'aurons à 199€, ce qui est déjà un bon prix. Donc voilà, c'est une grande publicité mensongère, je ne suis pas contente du tout. Heureusement que je n'ai pas résilié mon abonnement de l'autre côté, qui était mon téléphone professionnel, car on aurait été bien embêtés. Et vraiment pas contente. Alors elle a parlé de publicité mensongère ou non, on va tout de suite poser la question au porte-parole de Proximus. Haroun Feno, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous n'avez pas reçu les téléphones ? Mais ça, il faut demander à Apple. Malheureusement, on a eu un problème de livraison. Hein, donc, on a fait une publicité, comme Madame disait très bien, très agressive, à 99€ l'iPhone 7. Mais voilà, donc on avait prévu de commander. On a commandé énormément de pièces, hein, des milliers et des milliers de pièces. Malheureusement, on ne les a pas toutes reçues. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes les personnes qui ont souscrit qui ont souscrit à cette promotion, et ils devaient se préinscrire entre le 9 et le 14 septembre. Mm-hmm. Tous ceux qui se sont inscrits, et il y a des milliers de personnes, recevront leur iPhone à 99€. D'accord. Pas aujourd'hui, malheureusement, puisqu'on ne les a pas tous reçus. Hein, donc, mais ils ont choisi un magasin dans lequel ils sont inscrits, et ce magasin-là leur téléphonera.

se perd toujours. Quand on ne fait pas les choses avec un peu d'amour, c'est peut-être lui qui rend notre ambition fascinante. Il est dans ma voix, c'est pour ça que je chante. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'ai. C'était en 2012 et on se souvient encore des paroles. La preuve, Saskia chantait, je l'ai vu, elle connaît les paroles par cœur. C'était le sens de la vie, bah, c'est tout droit, au front et à droite. Mais quoi, attends, non, te marre pas. Oh, c'est drôle. Non, non, il faut un jingle à la hauteur. Il faut un jingle à la hauteur parce que c'est l'heure que tout le monde attend. Roulement de tambour, sonnez trompette. Le tip-top des infos concons et des infos soso trouvées sur Internet. C'est bizarre, c'est toujours sur les mêmes sites qu'on trouve les infos. Je ne dirais pas... Non, ça ne sert à rien. Mais bon, allez, on commence tout de suite. Numéro 5. Une société japonaise propose des séances de formation pour aborder un problème grave au bureau. À votre avis, quelles sont ces formations ? C'est quoi ce problème grave plutôt ? La formation n'est pas détaillée. Elle n'est pas détaillée, mais c'est un véritable problème au bureau. Les gens qui tombent endormis ? Non. L'alcoolisme ? Non. Trop de café. Ça fait partie des gros problèmes comme l'alcoolisme au bureau. Ouais. Non, la pas drogue. Le harcèlement sexuel. Non, ça c'est rien du tout. Ça c'est pas un problème. Non, mais juste, ça n'existe pas d'ailleurs. Je n'ai jamais été victime d'harcèlement. Jamais. 20 ans à l'RTBF, jamais. Faut porter plainte chez qui ? Non, c'est le harcèlement olfactif. Ah, oui. Ça fait partie de la longue liste des agressions de la vie au bureau. Et donc, il y a une initiative qui permet en une formation de faire comprendre aux délinquants qu'ils doivent changer leurs habitudes en douceur. Ils ne détaillent pas. Et surtout leurs sous-vêtements. Ils ne détaillent pas. Les odeurs corporelles ne sont pas forcément une mauvaise chose, mais elles ne gênent pas toujours, nous dit-on dans l'article. Elles sont l'identité unique de chacun. C'est vrai que des fois, tu sens un truc, tu dis « Ah, il y a machin qui vient d'arriver ». On ne citera pas de nom non plus. Non plus. Non, parce que la liste est longue. À commencer par moi, peut-être. Je n'en sais rien. Numéro 4. On a déjà beaucoup parlé de Pokémon Go, hein, ce genre de jeu où les gens courent partout pour trouver un Pokémon via leur smartphone. On sait que c'est complètement viral à travers le monde, que la chasse à ces créatures virtuelles était interdite par certains pays. En tout cas, dans certains endroits, des installations militaires et autres, pour éviter les intrusions. Chez nous, c'était sur les aéroports, parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dans des endroits où ils ne devaient pas être. Eh bien là, elle a eu un point positif, cette chasse au Pokémon Go en Autriche. Il y a un jeune homme qui, par hasard, s'est retrouvé dans un jardin. Et puis il s'est dit, ça sent bizarre ici. Il était au milieu d'une plantation de cannabis. Ah oui. Et voilà, boum, un mec coffré, parce qu'évidemment, on ne peut pas jouer au Pokémon Go dans les champs de cannabis. Et c'est... Bah voilà, il y a la loi, quoi. Numéro 3. On part à New York, le musée Guggenheim. Vous avez déjà été visiter le musée Guggenheim ? Non, personne. Non, non. Bah, vous, non, j'ai déjà pas allé à New York. Vous voyez, moi non plus. Bon, alors j'ai maintenant, passé devant. Ceux qui pourront, si vous y allez un jour, vous pourrez aller vous soulager sur des toilettes en or massif. C'est l'œuvre de l'artiste italien Maurizio Catalan. Bizarre pour un Italien de s'appeler. Ça s'appelait Catalan, oui. Mais donc voilà, cuvette, chasse d'eau opérationnelle, siège, la totale en or massif. On ne veut pas nous dire combien a coûté l'œuvre. Mais on sait que le prix de l'or aujourd'hui, le kilo d'or, est à 38 000 euros. Et on peut y aller gratuitement ? Oui, alors mais c'est vraiment, c'est pas une, c'est une œuvre, mais qui est disponible, qui se trouve vraiment dans les toilettes. Il y a un vigile qui se pose. Tu ne devras pas aller avec une copine. Il y a un vigile qui sera là. Alors je ne sais pas s'il va fermer la porte, le vigile. Bref, moi je trouve ça assez original d'aller couler un bronze dans une toilette en or. Sans que ça ne te coûte de l'argent. Si tu es ton ticket d'entrée au musée. Voilà, on a fait le tour. Tu voulais rajouter un truc ? Non, c'est-à-dire, je suis en train de regarder les photos. Bah, oui, c'est de l'or. Quoi. C'est de l'or, oui. Numéro 2. Inauguration cette semaine à Bruges de ce que le bourgmestre a appelé le métro de la bière. Il y a une brasserie dans le plein cœur du vieux Bruges historique. Une brasserie, ça nécessite des transports de matière, de fûts une fois que la bière est produite. Personne ne m'aide dans ces cas-là. Et donc, pour ne pas casser le centre historique avec le va-et-vient des camions, on a fait pour la première fois au monde un biéroduc. C'est-à-dire que c'est une canalisation de 3 276 qui passe sous les canaux, sous les rues, qui va à plusieurs, sous un parking de 6 niveaux à certains moments. Et donc voilà, le but est de transporter la bière une fois qu'elle est faite jusqu'à l'usine où ils vont les mettre en bouteille et en fût. Et si ça perce ? J'en sais rien. Et l'histoire ne nous dit pas si est-ce qu'on peut aller. Enfin non, visiblement le plastique est résistant. C'est un tuyau de 6,5 cm de diamètre. C'est pas un gros tuyau, mais si vous le trouvez, dites-nous où il est. Oui, c'est fou ça. Ça fait très première mondiale. Attends, mais ouais, non, une autre époque quoi. Une autre époque. Mais c'est original. Numéro 1. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus le con de la semaine. Ah! Ici, ils sont deux. C'est deux pauvres étudiants vietnamiens qui s'étaient imaginé leur toute première fois bien autrement. Mmh. C'est-à-dire que quand tu passes à l'acte pour la première fois, il faut faire un achat quand même. Oui. On est dans le domaine de la consommation ici. On parle de préservatifs, c'est toujours mieux. Trop gêné pour aller à la pharmacie chercher une boîte de préservatifs. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais ? Je t'envoie le petit frère. Mais non. Okay. T'as bien été faire les courses avant. Tu prends un sac plastique. Oh non. Voilà. Et donc, voilà, lésion, abrasion. Ah. Et donc, ils ont été découverts aux urgences avec un sac plastique. Oui. Donc, écoutez, ça coûte pas trop cher. Il y a des distributeurs. Envoyez quelqu'un d'autre, je ne sais pas, demandez à quelqu'un qu'on vous prête de l'argent, mais pas un sac plastique, quoi. Imagine le sac de Carrefour de l'Aise ou un truc comme ça. D'autant plus que maintenant, c'est plus plastique. Pire. Colruyt, c'est une boîte. Mais là, ça ne va pas. Ça fait vraiment trop mal. Imaginez-vous vivre dans une maison Étienne Piron. Laissez-vous guider et découvrez notre savoir-faire unique le week-end des 17 et 18 septembre de 11 à 18 heures, rue de la Potresse à Bouges. Étienne Piron, symbole de qualité. Viva Bruxelles présente la fête des familles pour l'inclusion des personnes handicapées. Dans une ambiance festive, participez à une foule d'activités pour tous, aux ateliers créatifs, à des spectacles ludiques. Rendez-vous le 17 septembre au stade Tordel à Schaerbeek pour la fête des familles. À l'initiative de la commune de Schaerbeek et du gouvernement francophone bruxellois. Pendant les Audi Days, vous allez être surpris. Surpris par les conditions exceptionnelles sur l'Audi A1. Surpris par son tempérament et son agilité en ville. Et surpris par la technologie unique PJR, qui signifie « Pince-moi, je rêve ». Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi A1 Limited Edition à partir de 13 990 euros ou 129 euros par mois en personal lease. Infos et conditions sur audi.be et chez votre distributeur Audi. Ce message s'adresse à vous, qui gardez de l'argent pour les enfants ou pour cette ville-là dont vous rêvez tant. Oui, vous, qui voulez vous lancer dans les placements, vu que l'épargne, ce n'est plus comme avant. Pour vous, CBC a formé des conseillers qui vous proposent les solutions adaptées à vos ambitions et vous parlent sans langue de bois, dans les bons comme dans les moins bons moments. Investir ? parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. Seconde vie à vos vieilles chaussures. Apportez-les jusqu'au 18 septembre chez Brentano. Vous recevrez pour chaque paire un bon de réduction de 12,50€ et vous soutiendrez une bonne cause. Brentano. Info et magasin ouvert ce dimanche, brentano.be. Moi j'aime le poulet et je ne suis pas la seule. Ah c'est sûr, car nous aussi on aime le filet de poulet, pas vrai petit? Oh que oui, à la poêle, au grill, au four. Et c'est si vite cuit. Oh, je dirais même c'est cuit-cuit, monsieur Marquet. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos succulents filets de poulet sont à 3,14€ la barquette de 600 grammes. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Tu me fies de moi, de ma façon de parler, de me tenir droit. N'allons pas refaire l'histoire. Toutes les blessures trouvent une place dans les mémoires. On partage le même territoire. La même peur du reflet dans le miroir. Si la méfiance est héréditaire, on se déteste au nom de nos pères. Bon, on va se faire engueuler hein, parce que la musique est, elle est très courte. Mais en même temps, Delta, une minute avec Héréditaire, est-ce que ce n'est pas assez? C'est déjà peut-être même beaucoup trop. Bon, dites, on va terminer sur la page Facebook pour le coup de cœur de la semaine. Allez hop, c'est parti. Avis de recherche. Nous signalons la disparition du dénommé Michel Janssens. Cheveux bruns, la quarantaine, il a été vu pour la dernière fois à bord du nouveau Hyundai Tucson en train de faire un test drive. Michel, si tu nous écoutes, tu nous ramènes le Tucson, s'il te plaît? Merci. Le nouveau Hyundai Tucson, ça va être dur de nous le rendre après l'avoir testé. Découvrez cet SUV impressionnant ainsi que toute la gamme chez votre distributeur Hyundai lors des journées portes ouvertes du 9 au 17 septembre inclus. Hyundai, new thinking, new possibilities. On n'est pas des pigeons. Facebook pour la fin de cette émission et le coup de cœur. Il y en a tellement qu'on ne sait lequel. Allez, j'ai choisi celui de Jamie qui nous parle de MyPam. C'est un site né à Liège qui permet aux expatriés Erasmus et locaux de rencontrer des personnes de même nationalité qu'eux ou autres dans le monde entier et de créer des événements comme par exemple courir à Moscou, prendre un café à Londres, etc. C'est une bonne manière pour accélérer l'intégration. Et MyPam, ça veut dire My people around me. Ça n'a rien à voir avec le diminutif Pamela Anderson, quoi. C'est pas My Pamela Anderson. Non. Mais c'est une bonne idée, ça, c'est sympa. Oui. Voilà. C'est bien, c'est un bon coup de cœur. C'est un bon coup de cœur. Si vous en avez d'autres, si vous avez des choses à nous dire, quoi qu'il arrive, c'est sur la page Facebook que ça se passe. En tout cas, c'est le plus simple, la page Facebook. Hein, oui, parce qu'après, vous pouvez aussi envoyer un mail. Oui. Hein. L'adresse, c'est pigeon@rtbf.be. Et vous avez aussi tout le week-end pour laisser un message sur le répondeur 070 222 660. Vous pouvez évidemment, vous devez évidemment laisser votre numéro de téléphone. Sinon, on ne peut pas après vous rappeler. Non, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Ce soir, à la télé, à partir de 18h30, semaine de la mobilité qui commence oblige. On vous présentera, après la petite mobilette hier, un petit peu bizarre, où Anne-Laure s'est pété la tronche dans le studio. Aujourd'hui, c'est le half bike. C'est un demi-vélo. C'est un truc compliqué aussi à faire, où on va, à mon avis, risquer notre vie. Et en attendant, c'est Sylvie Honoré qui prend le relais sur Vivacité, la vie du bon côté. De quoi parle-t-on cet après-midi? De notre ami intérieur. J'ai un ami intérieur, oui. Oui, comment il s'appelle, comment, votre ami intérieur? Dédé. Dédé? Ouais. Non mais c'est pourquoi on parle de l'ami intérieur à votre avis? Je ne sais pas. Dans la vie du bon côté, à votre avis. Parce qu'on se soucie plus de son ami à côté que de son ami d'en dedans. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, évidemment. Bon, on parle souvent de l'enfant intérieur. Il faut toujours essayer de revenir et d'essayer de retrouver cet enfant intérieur. Oui, mais l'ami intérieur, il est tout aussi important que son enfant intérieur. Michel Poulart, venez un peu vers moi, parce que c'est vous qui m'avez dit qu'on allait parler de ça. Bonjour à vous, Michel. Bonjour à vous, Sylvie. Bonjour à tous. C'est à vous la grosse valise, là, qui vous accompagne? C'est à moi la grosse valise, oui, tout à fait. Et vous savez ce qu'on dit, des oreilles, des grosses valises. Vous venez de Paris, là, c'est ça? Et vous viens de Paris, oui, tout à fait. Et vous retournez où, après? À Biarritz. Ben, bravo. Ben voilà, mon voyage. Et puis, je fais un arrêt chez vous, parce que c'est toujours agréable. C'est génial. Je viens ici pour me détendre. Eh ben, super. Ben, on va se détendre. On est deux, alors, à vouloir se détendre. Bon, vous m'avez dit qu'on allait en effet parler de l'ami intérieur. Et moi, j'ai dit, Michel Poulart, tu viens dans mon émission. Nous allons aussi parler de la croisière à laquelle tu participes. Exactement. Oh, parce que tu me tutoies, en plus. Mais non, je te tutoie parce qu'on n'a pas encore commencé mon émission. Après, je te vouvoie. Très bien, alors on se vouvoie. Bon, allez, l'ami intérieur, donc c'est quand même ça aussi dont il sera question. La croisière aussi, bien entendu. On va essayer de varier les plaisirs, voilà. Vous prendrez la parole, j'en suis certaine, avec Michel Poulart, spécialiste du leadership positif. Vous êtes un optimiste audacieux, vous n'avez pas changé. C'est mon métier, je vis de l'optimisme, je suis un optimiste professionnel, c'est optimiste cool. Optimiste hein. Professionnel, il en fallait un. Je l'ai trouvé, et croyez-moi, quand je sais qu'il est en effet dans les parages, ça veut dire à Paris, pas très loin d'ici, je le fais venir dans mon émission. Bon allez, vous interviendrez, ça j'en suis certaine, juste après le journal de 13h et juste après le point météo de Denis, que voici. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Bonne journée à tous. Une zone de pluie va arriver en fin d'après-midi sur le littoral. Elle va d'ailleurs s'y attarder la nuit prochaine et s'avancer vers le centre en perdant un petit peu de son activité. Avant cela, eh bien, ce sera encore un temps majoritairement sec. Température de 17 à 22 degrés, 24 même en campine. Pour demain matin, on a donc cette zone de pluie qui s'affaiblit sur l'ouest et le centre. Un temps plus sec sur les autres régions. Et en fin de journée, on aura quelques averses qui vont cette fois arriver par l'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg. Dimanche, une matinée encore assez grise, quelques averses sur le sud le matin, un temps plus sec l'après-midi et pour les deux jours, une moyenne de 17 à 21 degrés. Bon début d'après-midi à l'écoute de Viva, il est 13h. 3 000 selon la police, 10 000 selon les syndicats, du rouge, du vert et bien d'autres couleurs dans les rues de Charleroi ce matin en soutien aux travailleurs de Caterpillar. Toujours ce cafouillage pour les étudiants en médecine. Maggie Debloc délivrera un numéro Inami à chaque étudiant en fin d'année 2017. Pour le reste, c'est compliqué. Les francophones ne verront pas le nombre de numéros augmenter en leur faveur. Il faut covoiturer, c'est le credo de ceux qui s'occupent de la mobilité en Wallonie. Ils l'ont fait savoir aux automobilistes ce matin, première opération de la semaine à Mons. Nous y étions. Le journal de la mi-journée, présenté